就反正老师爱你话你是爱你你话 Tu sais ce qu'est, j'ai la plume qui touche, je représente au tribunal. J'ai pas à m'en faire pour faire taire cette pute de charpée. J'ai l'avocat Bruel, j'ferai partie de l'élite. J'ai que les titis peuvent m'émettre. Pas besoin de 10 barres de shit pour avoir des textes illicites. J'serai confortable sur mon trône quand les micros vont à leur poignée des prêtres. Et les grands de ma tête sont le ronçant tout en Aston Martin. N'est pas la haine, Radmou est mon compère. En featuring avec Alien, la coquille verte et colombienne. Si après l'avoir coûté du lait, comme les terrains soit mon compère. Va voir le poste de Cartes, demande la coque de RAM. Tu la recevras en une semaine, on te la donnera ma à main. Pour ça, je t'enverrai sans doute l'un de mes capitaines d'Aen. Pendant que certains rappeurs périssent d'auprès. Pour que SGF est guéri. Et mec, dans nos lives, y'a pas assez de soleil. Y'a beaucoup trop d'orages et de rageux. Au sommet, j'entends les grandes gueules qui veulent nous tirer dans les jambes. Nous on avance avec le cœur et ce qu'on a entre les jambes. Mec, dans nos lives, y'a pas assez de soleil. Y'a beaucoup trop d'orages et de rageux. Au sommet, j'entends les grandes gueules qui veulent nous tirer dans les jambes. Nous on avance avec le cœur et ce qu'on a entre les jambes. Sur un gros beat, j'éjacule la création de la rue. Je l'ai mise en cloc cloc cloc. Les M6 la jouent qu'un riff à son boubou rock. 200-210, on n'a pas d'autre choix que de mettre des balles dans le glock glock glock. Au moindre faux pas, on monte casser ta porte. Ma coke arrive en charter, des tonnes qui passent à la douane. Et on me dit que c'est la concurrence qui gère. Leur popule a défaite, ils me donnent envie de bébégère. Quand je repense à leur vieux style, on vit du trafic. On fait du rap American Gangsta, j'ai de la blue magique. Assez de bastos dans mon automatique. J'porte pas de coquille mais juste un pare-balles. 11-43 pour rentrer chez WAM. Aveugler mon cœur, griller mon phone. Tellement ce pue mon train de vie, tu le connais par cœur, par cœur. Et mec, dans nos lives, y'a pas assez de soleil. Y'a beaucoup trop d'orages et de rageux. Au sommet, j'entends les grandes gueules qui veulent nous tirer dans les jambes. Nous on avance avec le cœur et ce qu'on a entre les jambes. Mec, dans nos lives, y'a pas assez de soleil. Y'a beaucoup trop d'orages et de rageux. Au sommet, j'entends les grandes gueules qui veulent nous tirer dans les jambes. Nous on avance avec le cœur et ce qu'on a entre les jambes. Fait péter le son dans le casque et à l'arrière du bolide. Chez nous on gère du taf et on en donne à la police. Tu vas te manger des baffes si tu joues au mal poli. J'ai les ambitions à Saddam et les rêves à Malcolm X. Mon flow colle à la rue comme un mola ou une paire de jeans. J'ai des frères Tola et j'ai aussi des frères dans le jean. J'suis venu prendre les euros à la France et me tailler au bled. Que ma Marianne écarte les jambes, elle me fera penser à la tour Eiffel. Trop de flemme pour taffer, trop de peine à cacher, trop de mots à mâcher et trop de choses à cracher. Ray, du haut de ma montagne, les jaloux sont trop petits. Demande à Northside d'où sortent les prototypes. On a une rage incalculable, même à la machine, ça la machette pour les boucaves. Et ces bâtards racistes, voici le 9-3 et le 9-5 dans toute sa splendeur. Ça c'est pour les mecs simples, un gros doigt au flambeur. Et mec, dans nos lives, y'a pas assez de soleil. Y'a beaucoup trop d'orage et de rageux. Au sommet, j'entends les grandes gueules qui veulent nous tirer dans les jambes. Nous on avance avec le cœur et ce qu'on a entre les jambes. Mec, dans nos lives, y'a pas assez de soleil. Y'a beaucoup trop d'orage et de rageux. Au sommet, j'entends les grandes gueules qui veulent nous tirer dans les jambes. Nous on avance avec le cœur et ce qu'on a entre les jambes.